t'es donné comme la grâce qui a été donnée à Marie pour enfanter Jésus. Zaïna, je l'avoue, tu es ma chance. Dans ma vie d'amour, tu es plus que la bienvenue. Zaïna, si j'avais la terre comme propriété, je t'offrirais les chutes du Niagara sans hésiter. Comme ça n'est pas le cas, je t'offre la fin de ma vie. Parce que désormais mon cœur s'appelle Zaïna City. Tu es trop belle, ta beauté est vraiment réelle. Tu es très sexy, ta démarche dans nos vies. Dieu peut t'avoir crié, si elle dit à lui-même en bravo. Zaïna, Soki, bon, noyau, et coqui, coti, baptise. Nata, Moïse, Aïe, la couvouille, elle t'est promise. Oh, toi, déjà, coule le miel. Oh, Atana, Nenye, Théâtre, Zaïna, Sakira, Tessina, Rompoto, Boyana, Makouba, Boyorwana, Boyolioye, Viva, Conjugaison, Yaba, Phrase, Lama, sans hésitation, Zaïna, Sakira, Rubija, Yuzumizada, Sakira, Rubija, Yaf, Yuzumizada, Sakira, Rubija, Zaïna, bébé, la bébé, la maman, bossé, la joie, Zaïna, l'univers, l'eau, la colère, partout, la vie, la craque, Ataya, Tchécoslovaquie, Ataya, Hong Kong, Ataya, Katmandu, Marihuana y mis amos con dinamai. Gracias, Omarro y Bata. Lo va la mamá Uli. Alex Angana y yo con el Lerín de la cara de la casa. Yes. Mongoma y muerto y el bacana la telefona. Que la pared de otro corresponda y suerte tan. Lo que es de la que no uno me ha ordenado. Me va a telefone a mi malinga que cosa de charjaca. Mi pobalinga que osalo yo cacango un pam pam pam ba. Mi linga que osalo creba trube na ba foye. Zaina ye. Babi papola guiola. Por rien que son guite a no mungo na ya o zaina. Sa suffit pour que un artiste pentre a respire. Zaina ye. Yo zaline me papola mi anzame. Yo zaline me papola mi anzame. Zaïna, Yves Kongolo, Amadi Sekou Baba. Fontana yansa qui va tirer la pochette du Sayanzon. Ekwe banazo, les catalystes et Shakirai. Besoin y avance, écoute la vente de beauté et photo. On peut battre la cabote, naïo. Zaïna, Zaïna, Yosaline, Bagola Nianzame. Yosaline, Bagola Nianzame. Zaïna Kotanga, vraiment la mouchine. Zaïna Kotanga, vraiment Tina Kati. Yandou Boudi, Yanye Peteri, Yaboreli. Allez, comment ça? Zachito. Madame, mon amour. Zachito. Tantina et Amourinho. Zachito. Missa, ma soeur, mon yata. Zachito. Missa, fina, ma makuru. Zachito. Yela mi sagala santimana me. Loco la mochila me oye y muay. Aquí amo en un colome. Señora y me la canto en un pino. Una y madama en un amor. Oscachico. Antilla San James Taylor. Oscachico. La gina una ambulan. Oscachico. Hey, banamera. Voy a pedir bandazga por la zarazga por la nueva y se me dice, me. Faire la zaïne, c'est un peu comme ça. Nous avons besoin de nous sortir de la ville. Il y a quelqu'un qui est venu à l'Est, il y a un peu de la Belgique. Et comment est-ce que nous avons un peu de la Belgique? Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique. Il y a un peu de la Belgique Mamadoui, Kolo. Ah, Nandimi, Yasolo, vraiment, Rosamoki. Kolo, le Mipon, il nous a au bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un bout d'un Romy, oui, oh, le mystérieux. Aïe, madame, mon amour. Oscar. Zaïna, mon amour. Oscar. Zaïna, elle est française. Oscar. La Bruxelles va tenir son animé. Oscar. Va miner l'empé, va cobo. Oscar. Va commencer la bâtonne, oui. Va tenir son bazanga, oui. Vaivazo a choisi un Walter T. Vaivazo Luca doublette maïli. Cyril Kina, c'est moi qui manque de folle. Kili Mankoutou, Magali Mbanza. Kili Babouti, Carla Kassindior. Alain Finini, Albert Mavungu, Nalekouilou. Cyril Kabamba, Palmich. Espelou Samba, Fanny Mwanza, Patricia Mwanza. Merci à Sasa, Judith Milton, Sébastien, Fabienne Mou, Madame Mamoué, Santine Yamourinho, Oscar Tito, Edmagan Yalakatou, Oscar Tito.